Voilà, à ma connaissance, on a fait le tour de toutes les infos pratiques et importantes concernant cette 7e édition du Ripfest qui aura lieu les 7 et 8 juillet prochains à la salle Louisiane de Notre-Dame-d'Ouai. Chromax, Memoriam, Band from Pain, Grove Street, Brother Till We Die, Prowl, Overpower, ne te mets pas devant l'affiche, merci. Real Deal, Parjure, Final Showdown, Sick Nerves, No Matter What, Sideburn, No Glory, White Shot. J'ai pas compté, ça fait quoi? Ça fait 15 groupes. Ouais, c'est ça, comme les années précédentes. Jours, voilà. Une quarantaine de balles, un peu moins en pré-vente pour le 2 jours. Pense-y hein, sur les réseaux ou bien. Comme historiquement au Buck et chez Street Art Family, salon de tatouage du centre-ville. Quoi d'autre pour clôturer les infos? On peut peut-être croiser les doigts parce que pour une fois, on n'a pas d'annulation. Donc pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui. Alors bon, la 5e édition, on avait eu une annulation H-22. Voilà, on a eu une belle annulation de nos chers amis teutons à l'époque. Mais là, pour l'instant, tout semble rouler. Touche du bois, de la peau de singe. Et j'espère que l'affiche va rester telle qu'elle parce que je la trouve bien bandante quand même. Donc, ça serait dommage. Je viens de réfléchir sur qui je pourrais mettre une pièce pour une annulation. Ah non, mais alors on va éviter toi, de parler tu veux de genre de choses. Hein? Ah oui, ma femme. Quoi, tu veux annuler ta femme? Ah non, non, non. C'est sympa pour elle. Non, merci. Non. Ne disons pas ça à l'antenne. Mais c'est vrai qu'un accouchement pourrait se dérouler oui, ce même week-end-là. Ça pourrait annule être elle, l'annulation. Lol. Donc ouais, non, de rater ton édition. Tu organises un festival auquel tu ne peux pas assister pour cause d'accouchement. Non, fais un effort, croise les jambes, je sais pas, fais un truc. Ou pousse avant, je sais pas. Mais ouais, d'accord. Très bien. Oui, effectivement, ça peut être. Oui, ça peut faire tout. Ça perturbera pas la programmation, mais ça perturbera une partie du déroulement de la logistique, du moins. Quoi d'autre? Choses auxquelles on n'aurait pas pensé? Des choses auxquelles vous penseriez? Non, sincèrement, rien. Juste, si vous comptez venir avec des véhicules relativement hauts, pensez à arriver relativement tôt. Parce que notre équipe de sécu qui pourra vous ouvrir les barrières ne pourra pas le faire forcément toujours en temps et en heure si vous arrivez à des heures un peu plus fastes. Donc voilà, j'invite sincèrement les personnes qui souhaiteraient arriver en camping-car, ce genre de véhicule à vous pointer le plus tôt possible pour que votre accueil puisse être le plus adapté, tout simplement. Eh ben très bien, on a fait le tour de tout ce qu'il faut savoir sur cette prochaine édition du RIP. Restez attentifs à toutes les infos sur les réseaux de l'association Riposte Asso. Merci d'avoir fait une fois de plus le déplacement jusqu'au sommet du donjon. Oui. Et on va se quitter du coup avec un dernier titre pour illustrer cette programmation du Ripfest, un titre de Memoriam, extrait du album For the Fallen, qui était sorti en 2017, et on s'écoutera le titre Surrounded by Death. Merci. Merci à vous. C'est le premier album ? Voilà, on vient de tout bien s'éplucher pour parler du Ripfest. Retour à la diff classique. Avant de retrouver l'ami Thibaut pour les petits rendez-vous focus. Au niveau de la diff, on est sur le grindcore des Suédois de The Arson Project. Ils sortent là leur second effort studio intitulé God Bless. On s'écoutera une doublette, donc Cages enchaîné à Crumbling Ground, une sortie de chez Lixiviat Records, Burial Hordes ensuite. Là, on est sur un groupe qui nous vient de Grèce, d'Athènes plus précisément. On est sur du black typiquement grec. Ruins, c'est le nom de leur cinquième effort studio. Et on s'écoutera le morceau Isotropic Eradication. C'est parti, Arson Project, Burial Hordes. I am a human being and I killed human beings. Oh, Voilà, le black grec, hein, parce que c'est presque une marque de fabrique très martiale de Burial Hordes. 21h16 à la pendule de Radio Béton, c'est l'heure maintenant pour l'ami Thibaut de me rejoindre à l'antenne. Bonsoir. Et bonsoir. Oh, qu'est-ce qu'on t'entend bien. Waouh, magnifique. Oui. Alors, tu viens nous parler de musique extrême. Oui, tout à fait. C'est le métal ce soir. Très On bien. Parle le métal. Très bien. D'une légion maudite même. Oui, oui, tout à fait. Donc, Legion of the Dead, un groupe qui sort là leur 8e album. C'est un groupe qui s'est formé en 2005. Ils nous viennent des Pays-Bas. Ils nous font un espèce de death thrash un petit peu cradingue. C'est assez poisseux. Ils viennent de la ville de Elden, pour être exact. Alors, je vais le placer un petit peu la ville pour ceux qui ne sauraient pas où c'est. C'est très très proche de la frontière allemande. Et c'est un truc que je précise parce qu'on va le ressentir vachement dans leurs influences, surtout dans les parties trash vraiment qu'ils vont avoir dans leur musique, avec quelque chose d'extrêmement rugueux, d'extrêmement brut dans ce qu'ils proposent au niveau donc des parties trash. Et toute la partie death, on n'est quand même pas très très loin des inspirations de Asphyx. C'est un petit peu difficile de passer à côté dans le sens où c'est des compatriotes qui viennent de la même, du même pays. Et voilà, alors le groupe, grosse discographie quand même, parce que 8e album, donc depuis 2005, c'est assez notable, et surtout sur leur début, où ils ont quand même pondu à une moyenne de plus d'un album par an, ce qui est déjà assez monstrueux. Ils ont commencé donc en 2006 avec Malevolent Rapture. On sent qu'il y a déjà une base ultra solide sur un premier album, le chant reste encore un petit peu perfectible à mon sens, mais à côté de ça, c'est ultra groovy, ultra intense. On aura donc l'album de 2007, Sons of Jackal, qui est dans la continuité du premier album, qui va l'approfondir et l'enrichir. Je pense que de cette période-là, ça va être l'album qu'il va falloir retenir, dans le sens où il fait vraiment le cœur de cette première période du groupe. Et enchaîner également avec l'album de 2008, Field to Blade, qui est exactement dans le même délire, c'est-à-dire ils vont en progresser un petit peu, mais sans avoir une évolution très très intense dans leur musique. En 2008, ils sortent Cult of the Dead, un album un peu, à mon goût, en dessous des précédents, moins péchu, qui manque un peu de folie, et je vais dire qu'il va manquer un petit peu d'inspiration également, dans le sens où ça devient un petit peu convenu, ce qu'il proposait déjà sur cette sortie. Ouais, trois albums, enfin quatre albums en trois ans, voilà. Ouais, voilà, on arrive au bout d'un cycle où ils s'essoufflent musicalement. Ils ont pondu trois albums en quatre ans. Pour moi, c'est les pistes A qui n'ont pas été prises, piste B, piste C, et puis là, on est sur les pistes D. Du coup, c'est un petit peu album dispensable, dirons-nous, de la discographie. Et à ce moment-là, ils vont faire une pause de 4 ans pour arriver en 2011, où ils vont sortir Descent into Chaos. Je vais dire exactement la même chose. C'est pas ce temps de repos va pas forcément leur servir, et je trouve que c'est un album qui ne sera toujours pas au niveau des trois premiers. Et donc ces deux albums-là, pour moi, sont largement dispensables dans leur discographie, parce que c'est pas fou, même les visuels, ils sont pas aussi accrocheurs que ce qu'ils ont proposé précédemment. Et voilà, complètement dispensable à mon sens. Donc, en 2014, on enchaîne avec Ravenous Plague, un retour à quelque chose de plus solide à mon sens, un peu plus inspiré, un petit peu plus riche. Le groupe semble s'être retrouvé, mais va redémarrer un petit peu doucement dans ce qu'ils vont proposer. 2019, Slave to Shadows Realm. Pour moi, un des meilleurs albums du groupe. J'ai vraiment adoré cet album. Je le trouve extrêmement solide. Un son plus massif, plus puissant. Et qui, pour moi, rend un peu plus justice aux parties death. Peut-être qu'on perd un petit peu l'aspect cru de leur partage trash. Mais du coup, la partie death, pour moi, ressort un petit peu plus et est beaucoup plus intéressante. Et donc, on arrive en 2023 avec Poison Calice. Une sortie sur le label Napalm Records. Et déjà, pour brosser le portrait un petit peu, qu'est-ce qu'on s'écoute un petit morceau ? Exactement. Ouais. Un petit morceau qui illustrera la meilleure période, voilà, à mon humble avis, de Legion of the Damned. La période Son of the Jekyll, avec du coup le titre de l'album Son of the Jekyll, qui était sorti en 2007 chez Massacre Records. C'est parti. Living for pain and for Voilà, à partir du moment où on a... C'est un peu salope si je dis à partir du moment où on a écouté cet album de Legend of the Damned, on peut écouter celui d'avant, on peut vite fait passer sur celui d'après, et puis après, on oublie. Non. Mais c'est vilain. Je suis complètement pas d'accord avec toi. Je trouve qu'ils ont vraiment bien rebondi, et particulièrement sur ce nouvel album. Du coup, je vais faire comme si je t'écoutais pas. Oui, parce que j'ai encore un autre truc à dire, mais je le dirai à la toute fin, pour voilà. Complètement pourrir ton focus. Parfait. Je vais m'arrêter 2 minutes sur les visuels du groupe qui sont réussis, parfois certes un peu kitsch, mais qui accompagnent parfaitement la musique du groupe. Et parfois très raté. Et aussi parfois très raté, ouais, tout à fait. Mais, mais globalement, je trouve que ça colle en fait parfaitement à ce qu'ils font. Et même si il y a des visuels. Un album raté, visuel raté. C'est bon, t'as fini ? Oui ! Qu'est-ce que je disais ? Parce que du coup, tu me perds. Hein. Une bêtise. Du côté du line-up, on a des membres qu'on a navigué dans pas mal de projets. On a un des guitaristes, notamment, qui a donné, et je fais le point un petit peu avec ça, qui a donné la voix dans le projet Soulburn. Je sais pas si ça te parle. Bien sûr que si. Voilà. Donc, Alors, bah tiens, un groupe de Death Doom hollandais. Quelle surprise, hein. Et du coup, donc, il a donné un petit peu de la voix à l'époque de Soulburn. Soulburn, c'est un projet qui existe toujours d'ailleurs. C'est un projet qui est né sur les cendres du premier split de Icefix, qui n'en finit pas de split et de se reformer. Et voilà, donc on a un des guitaristes qui à l'époque chantait dans Soulburn. Et qui donne toujours d'ailleurs, je crois qu'il est encore dedans, j'ai mal noté. Qu'est-ce que je voulais dire ? Musicalement, on a, sur cet album, je trouve qu'on gagne vraiment en richesse sur la globalité de cette sortie. Et comment dire, encore une fois, on a un gap un petit peu au niveau de la qualité de l'enregistrement. Ça donne une prod qui est moins massive que le précédent. On retrouve quelque chose d'un petit peu plus cru. Et ça rend le tout un petit peu plus rugueux, un petit peu plus cradingue. Ça reste totalement groovy, ultra intense et assez écrasant dans ce qu'il propose, justement, avec des inspirations qui viennent un petit peu du doomness, avec des inspirations qui vont même aller voir un petit peu du côté du black metal. Alors, globalement, ça te fait un trash, un peu speed trash black metal, des fois qui est pas inintéressant du tout. Et globalement, dans leur discographie, je trouve que ce nouvel album, en fait, il permet de retrouver quelque chose qu'on avait pu perdre pendant les premiers albums. Et là, pour moi, le groupe est en train de remonter d'album en album pour reproposer quelque chose d'intéressant. Et voilà, j'ai vraiment accroché. C'était une belle découverte, que ce soit pour la première période du groupe ou pour cet album qui est beaucoup... Qui renoue pour moi avec une musique de qualité. Et je te laisse faire tes bêtises maintenant. Je peux te dégainer. Vas-y. Au niveau du line-up de Legend of the Damned, on peut noter que la section rythmique et la voix sont les mêmes depuis 2005. Et pour cause, puisque carton rouge, tu n'as même pas parlé de Occult. Puisque Legend of the Damned est devenu Legend of the Damned en 2003. Et qu'avant ça, il s'appelait Occult. Sans surprise, il faisait déjà du thrash death. Il venait déjà de Hollande, hein, bien évidemment. Et c'était vraiment ultra primitif, hein, formé en 92. Ils ont quand même, effectivement, tu parlais d'une belle discographie chez Legend. Mais avant ça, chez Occult, entre 94 et 2003, ils ont sorti 5 albums. Donc, quoi qu'il en soit, le groupe a toujours été très prolifique. Et voilà, Occult, on est vraiment sur du death thrash. Comme tu en parlais là en clôture, un peu proto-speed trash, un peu blackisant sur les bords. Hein, et voilà, vous aimez Legend of the Damned, mais vous trouvez qu'il manque un petit peu de quelque chose, n'hésitez pas à vous plonger dans la disco de Occult pour avoir vraiment cette patte encore plus agressive qu'il semble avoir un peu retrouvée sur ce dernier effort studio sous le nom Legend of the Damned. C'est tout bon pour moi. N'est fini. C'est parfait. On va donc s'écouter un titre pour illustrer ce premier focus, enfin pour clôturer l'illustration de ce premier focus. Ouais. Clôturer, ouais, tout à fait. Donc c'est le 4e morceau de l'album, ça s'appelle Skulls Adorned to Traitor's Gate. Et c'est un morceau que j'ai vraiment beaucoup aimé sur l'ensemble de l'album, donc voilà, j'ai pu le choisir, donc let's go. Quel plaisir. The Poison Calice, extrait du nouvel effort studio de Legend of the Damned. Et on va s'écouter donc Skulls Adorned, The Traitor's Gate. C'est parti! La spé française, eh ben on va la démarrer tout de suite, hein, 21h34 et 30 secondes à la pendule de Radio Béton. Elle sera brève comme ces dernières semaines, puisque bah, peu de sorties françaises vraiment attractives de notre point de vue ces derniers temps. On a tout d'abord Aodon qui nous vient du côté de Périgueux, on est sur du Black Atmos, c'est le troisième effort studio intitulé Portrait. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est une sortie Willowtip Records, on s'écoutera le morceau Swen. Gourou, ensuite, là il y a un petit peu plus à raconter sur cette formation menée par le vocaliste des Chants de Nil, Jerry. La formation nous vient de Bretagne, sans trop de surprise. Nova Lux, c'est le nom de ce premier album studio, un EP avait vu le jour en 2020. Une sortie Black Doom, et un artwork très, très soigné, hein, une superbe peinture pour Gourou. Un 4 titres, les morceaux sont longs et généreux, et puis un peu comme dans les Chants de Nil, hein, c'est hyper travaillé comme musique. Sleeping Church, c'est leur écurie, et on s'écoutera justement le titre de l'album, Nova Lux par Gourou, et juste avant ça, Aodon. Let's go. Et on va clôturer l'aspect française avec la deuxième et dernière doublette pour ce soir, avec tout d'abord une excellente sortie, Miasme, un petit all-star band avec des ex Como Muertos, avec des ex ou actuels, je ne sais plus, Antaeus, et voilà, un petit power trio, black and roll, un peu death, mais evil death, chanté en français. Le premier album s'intitule Répugnance, c'est putain d'efficace, c'est super bien fait et le rendu est vraiment extraordinaire. Une sortie, Les Acteurs de l'Ombre, et en doublette, on se réécoutera un titre de Aodan, toujours extrait de l'album Portrait, et on s'écoutera le morceau Adam. Et juste avant ça, Miasme avec le titre Malmort.